pausa. C'est pour éviter que le vent il fasse du bruit dans le micro. Ça marche pas. Non, il enregistre. Ah ! Tu veux dire quelque chose ? Sans toucher, sans toucher. On parlait juste. Pour rien. Hein ? Je dis quoi ? Tu dis ce que tu veux. Je dis planche. Je dis planche comme ça. D'accord. Merci, au revoir, Alba. Planche. Quoi ? Planche. Planche ? C'est ton nom de code ? Planche. Mais j'ai une chaleur. Non, pas là-dessus. Tu vois bien que en plus, t'as vu la main que j'ai ? Ça marche pas. Arrête. Ça marche. Mais je veux pas.